T'as toujours la bouche remplie de phrases. Pour moi c'est que des phases. T'en fais toujours un problème. Yeah. Et quand t'as refusé, je suis resté sage. C'est bon, arrête, on a passé l'âge. Ça explique les galères. J'aime quand tu descends. Je t'avoue bébé, j'aime quand tu descends. Ça ne te rendra pas plus indécente. Si par moment bébé tu descends. Descends, descends. Ouais ça me rend fou quand tu descends. Ça ne te rendra pas plus indécente. Tu pourrais m'inspirer plus d'un son. Descends. Pour te mettre bien j'ai fait ma petite sélection de tous les sons que tu kiffes sur Spotify. Tu penseras à ta playlist Spotify. T'as du sais et y'a tout ce que t'aimes sur Spotify. Mais qu'est-ce que tu me fais là? Dis-moi ce qui t'empêche de te gérer là. On ira là où ça te plaira. Dans la cuisine, dans le salon ou dans la GLA. Mais qu'est-ce que tu me fais là? Dis-moi ce qui t'empêche de te gérer là. On ira là où ça te plaira. Dans le salon, la chambre ou dans la GLA. Là. J'aime quand tu descends. Je t'avoue bébé, j'aime quand tu descends. Ça ne te rendra pas plus indécente. Si par moment bébé tu descends. Descends, descends. Ouais ça me rend fou quand tu descends. Ça ne te rendra pas plus indécente. Tu pourrais m'inspirer plus d'un son. Descends. Caliste est la plus sweet. Et tu le sais quand tu descends. Je t'assure que tu le fais pas comme une autre. Fais bisous à mes abdominaux. Quand tu kiffes tu ne le dis pas le bimo. Mais qu'est-ce que tu me fais là? Dis-moi ce qui t'empêche de te gérer là. On ira là où ça te plaira. Dans la cuisine, dans le salon ou dans la GLA. Mais qu'est-ce que tu me fais là? Dis-moi ce qui t'empêche de te gérer là. On ira là où ça te plaira. Dans le salon, la chambre ou dans la GLA là. Installe-toi bien ce soir, on fait la fiesta. Pour ma part, je sais que tu feras partie du festin. C'est quand tu veux, je vais pas forcer le destin. En plus, je sais que tu m'aimes jusque dans tes intestins. J'aime quand tu descends. Je t'avoue, bébé, j'aime quand tu descends. Ça ne te rendra pas plus indécente. Si par moment, bébé, tu descends. Descends, descends. Ouais, ça me rend fou quand tu descends. Ça ne te rendra pas plus indécente. Tu pourrais m'inspirer plus d'un son.